de travailler sur l'oralité ou pas du tout? Vous n'avez pas eu l'impression que ça pouvait avoir un lien entre... J'ai eu quelquefois, pour être tout à fait sincère, l'inquiétude de ne pas travailler scientifiquement, même si je ne crois pas que les sciences humaines sont des sciences exactes. Elles en ont envie, elles voudraient bien, parce que ce sont les sciences exactes qui changent le monde et qui sont le plus estimées. Mais je ne crois pas qu'elles le soient. Elles font des efforts pour l'être. Et justement, dans le domaine de l'oralité, j'avais l'impression de ne pas faire assez d'efforts, de risquer des erreurs. Encore que depuis, si je peux être tout à fait sincère, je me suis rendu compte que l'oralité, justement, apportait beaucoup plus que les archives. Vous avez des choses qui n'apparaissent pas dans les archives écrites, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Bien des choses ont disparu. En faisant soutenir des thèses, je l'ai constaté plusieurs fois. Des choses que j'avais vues arriver dans la société, l'auteur de la thèse venait me dire que non, que ça n'était jamais apparu. Or, un jour, ça émerge. Il a bien fallu que ça chemine quelque part. Et avec l'oralité, on saisit ce cheminement. Donc, quelque part, c'est à la fois moins rigoureux et plus riche. Oui, voilà, moins rigoureux au regard d'une certaine... Au regard des règles ordinaires de la discipline historique. Voilà, parce qu'aux États-Unis, par exemple, l'histoire orale, elle est très présente, beaucoup plus présente qu'en France. Donc, le regard est... On s'en sert, On s'en sert beaucoup plus. J'ai souvent eu peur, je me suis souvent fait ce reproche et cette inquiétude de ne pas apporter assez de regards critiques sur les témoignages. Mais je l'ai fait tant que j'ai pu. Ça ne veut pas dire que je les ai gobés, pas du tout. Bien sûr, oui. En tout cas, vos témoignages sur les femmes et la politique à Marseille, ils sont réutilisés par d'autres chercheurs, je peux vous dire, en tout cas, à réécouter. J'en suis ravie. Et ensuite, donc, c'est sur une base de données. Donc, il y a, par exemple, l'époux de Madame Galix. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette dame qui a été enregistrée aussi, qui était... Comment elle s'appelle ? Madame Galix. Qui est décédée. Donc, justement, j'ai fait une copie à son époux qui nous a autorisé la diffusion Simone Galix. Voilà. C'est un parcours par la maire du 5e arrondissement en 93. C'est la quatrième avant la fin. La troisième avant la fin. Et donc, ce que je voulais aussi vous demander, c'est si vous autorisez, si ça vous semble... possible d'autoriser l'écoute de vous savez qu'aujourd'hui on peut écouter par internet quoi ces entretiens, donc si ça vous semble quelque chose que je n'ai pas seule qualité pour donner l'autorisation, bien sûr, il y a des témoins eux-mêmes dans le... enfin ça vous le savez aussi, oui bien sûr, mais pour aussi peut-être auriez-vous intérêt à questionner des personnes qui ont bien meilleure mémoire que moi, c'est justement les militantes de l'association Les Femmes et la Ville. D'accord. Notamment Eliane Richard. D'accord. Ah oui, d'accord. Elle a très bonne mémoire, elle s'est beaucoup impliquée, parce que Eliane Richard est une spécialiste de l'histoire marseillaise. Oui. Moi, non. Alors, elle s'est beaucoup plus impliquée que moi dans le questionnement des femmes politiques marseillaises. Et elle aura sûrement des souvenirs beaucoup plus riches. Mais vous allez devoir attendre. Elle vient de partir pour un voyage autour du monde. 100 jours. Le dernier grand voyage de sa vie avec son mari. Ils ont pris le risque parce qu'ils ne sont très bien portants ni l'un ni l'autre. D'accord. Mais bon, alors il vous faut attendre. Je pense que... En fait, sur ce corpus, on a aussi eu le dépôt de Madame Bitton qui a travaillé sur les femmes et la politique à Aix-en-Provence, qui est un peu en miroir de ces entretiens-là. Donc c'est pour ça que ce sont des entretiens. Madame Bitton. Non, Bitton, Michel. Michel. Ah, Michel Bitton. Oui, alors elle questionnait là. Oui, bien sûr. Elle est très riche aussi. Elle a beaucoup de mémoire. Oui, bien sûr. Elle s'est intéressée surtout à l'histoire juive, mais on ne peut pas se limiter. Vous voulez boire quelque chose? Non, ça va. Tiens, vous me faites penser au café qui doit être... D'accord. Est-ce que vous voulez du sucre? Moi, non, ça va. Merci. Merci. Merci. Donc, je ne vais pas chercher de cueillir à café. Vous non plus? Non. Merci. Oui, voyez, c'est au moins ces deux personnes. Je Bien pense sûr. Qu'elles vous apporteront beaucoup. Michel Béton et Eliane Richard. Voyons, est-ce qu'il y en aurait une autre qui... Ben, elles vous le diront. Eliane Richard et Michel Béton vous diront, telle personne vous expliquerait mieux. Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser d'autres archives orales ou d'autres archives constituées par d'autres chercheurs au cours de vos recherches? Est-ce qu'à un moment donné, justement, quand vous avez soutenu, vous avez été dans des jurys de thèse, été intéressé par des corpus sonores constitués, est-ce que vous avez justement eu affaire à ce genre de questionnement? Oui, mais ça ne m'a pas... Oui, vous avez... par exemple, la thèse de Christine Barr, qui est sur le féminisme entre les deux guerres, elle a beaucoup, beaucoup utilisé de témoignages oraux et écrits. Ça vous a semblé pertinent, justement, cette utilisation des témoignages oraux et... Oui, absolument. Mais c'est-à-dire que, dans la mesure où les archives écrites sont pauvres concernant les femmes. Exactement, si on fait l'histoire des femmes, on ne peut pas se passer de ces... du moins, les femmes qu'on peut atteindre, hein, les plus âgées. Mm. Ou leurs filles. Quelquefois, on a par leurs filles des informations. Moi, j'ai bien connu mes deux grands-mères. Ouais. Et je peux parler sur elles. Ce que j'ai fait, du reste. Donc, oui, ça m'est arrivé, mais... Ça n'est jamais venu au premier plan de la discussion scientifique qui se développe autour d'une thèse. D'accord. Et les films des femmes, vous avez aussi travaillé là-dessus, de filmer, pardon, filmer des femmes plutôt que seulement les enregistrer? Non, je ne suis pas quelqu'un de l'image. J'ai jamais su en produire ni m'en servir. Mais là, récemment, Jung, par exemple, avait fait ses films dans l'association... vous vous souvenez sur les projets en fait vous souvenez de Jung Perron? Mais elle m'écrit très souvent. Voilà. Je viens d'avoir un message. Voilà, mais là du coup en fait c'était justement un film et vous en regardant, vous avez participé à des ateliers, vous avez été filmé avec les femmes et en fait c'est les films vous ont servi pour faire des réflexions, non? En quelque mesure, oui, oui, oui, c'est vrai, c'est pas faux, oui. Mais ça, c'est l'initiative d'une cinéaste d'origine coréenne, la Jung Perron, qui a décidé de faire un film sur moi. Et elle m'a saisie à un moment où nous nous occupions, Francesca et moi, des immigrés à propos d'un travail de recherche de la MMSH, d'un laboratoire de la MMSH. Et du coup... Les premières images qu'elle a prises de moi, ce sont des images de mon travail avec un groupe de femmes maghrébines. Personnellement, je n'ai pas trouvé que ce soit très riche. D'accord. Mais elle, si. Donc, il y a plusieurs avis là-dessus. Et elle a trouvé tellement que c'était riche qu'elle n'a plus cessé de revenir me filmer dans toutes sortes de circonstances, en particulier pendant notre colloque. Elle m'a fait m'installer dans le jardin et elle m'a fait développer quantité de choses. Elle est venue à une conférence que nous avons organisée à propos de notre dernier question. Tiens, voilà encore des témoignages que nous sommes en train de recueillir. D'accord. Nous avons diffusé, après que Francesca se soit écartée de Déméter, nous avons diffusé un questionnaire intitulé « Être mère aujourd'hui, demain ». Et donc j'ai fait une conférence pour présenter ce projet de questionnaire parce que c'est la conseillère municipale Cathy Sylvestre qui s'est emballée pour ce projet, elle continue d'ailleurs à être très enthousiaste et qui m'a proposé de venir présenter le projet à la mairie, ce que j'ai fait, et il y avait la cinéaste coréenne Jung Perron qui a tout filmé, qui a emmené même des jeunes pour que il voit le genre de questions que je pose à propos de la maternité, etc. Donc elle est très accrochée et elle continue. Elle me dit « qu'est-ce que vous faites maintenant? Quand est-ce que je peux venir filmer ?» Elle est venue au bord de la mer où je suis en vacances pour me voir dans un cadre de vacances et elle m'a dit que si neigeait cette année, elle viendrait me filmer par mauvais temps. Voilà. Donc effectivement, celle-là, l'image compte pour elle. Mm. Pour moi, je la laisse faire, je ne vais pas l'interdire. Ça me... Bien sûr. Hein. D'autant que plus je discute avec elle, plus je vois le sérieux et la solidité de la personne, donc je lui fais confiance. Elle n'ira pas faire mauvais usage des images qu'elle a de moi. Je ne le crois pas. Donc voilà, mais personnellement, je ne m'implique pas beaucoup. L'image, ce n'est pas mon affaire. La parole des femmes, ça compte pour vous, j'ai l'impression, dans votre recherche, non? La parole? Des femmes. Oui, bien sûr. Voilà, et dans quel sens alors si on ne peut pas parler d'histoire orale, dans quel sens la parole des femmes, elle intervient dans votre recherche? Et quand est-ce que ça serait la première fois où vous avez eu cette idée d'aller vers la rencontre de la parole au lieu de l'archive? Comment dire? C'est impossible à préciser. Parce que dès que j'ai pensé à faire l'histoire des femmes, je n'ai pas cessé, je suis volontiers bavarde et pas mal communicante, je n'ai pas cessé de questionner autour de moi pour recueillir des expériences de n'importe qui. Quand ça n'était pas trop déplacé dans le courant de la rencontre, je demandais aux femmes si elles voulaient bien me dire, si elles avaient des enfants d'abord, si elles voulaient bien me dire comment, quelles impressions, quels souvenirs elles gardaient de leur vécu et de leur projet maternel. Donc c'était naturel de les enregistrer. C'est une spontanéité chez moi. Et alors naturellement, je l'ai développée, comme je viens de le dire, à propos de la première recherche systématique qui portait sur les assistantes sociales. Et donc en fait, ce qui s'avère, c'est que les seules sources sonores qui sont déposées, c'est celles de la MMSH, parce qu'il n'y a pas... en fait, les autres cassettes, visiblement, n'ont pas été... Il n'y a pas eu de cassettes, je vous dis, c'était essentiellement des témoignages écrits.